Ce serait marrant d'imaginer qu'on ne s'est jamais rencontré, que ce jour-là, c'était pas moi, pas moi. Mais cette autre moitié de moi, un peu l'envers de mon endroit, celle que je ne vois qu'une fois par mois, chez toi. Ne perds pas la tête, ajuste bien tes carreaux. Calculons de tête, y'a une moitié de trop. Ne t'affole pas, ne hurle pas, ne me dis pas que tu n'aimes que moi. Sauras-tu jamais si c'est mon double, ou bien si c'est moi qui te trouble, quand sur toi se posent mes doigts, mes doigts. Ce serait marrant d'imaginer qu'on ne s'est jamais rencontré, que ce jour-là, c'était pas moi, pas moi. Mais cette autre moitié de moi, un peu l'envers de mon endroit, celle que je ne vois qu'une fois par mois, chez toi. Ce serait trop bête qu'il y ait un quiproquo. Je serais la bête et toi tu serais l'agneau. Je serais violent, incohérent, du bout des dents, je te dirais va-t'en. Moi qui t'offrais quelquefois des fleurs, j'aurais à la place du cœur une bien étrange noirceur, noirceur. Ce serait marrant d'imaginer qu'on ne s'est jamais rencontré, que ce jour-là, c'était pas moi, pas moi. Et toi tu pourrais me raconter que tu ne m'as jamais aimé, que tu avais imaginé qu'un jour. Ce serait marrant d'imaginer qu'on aurait pu se rencontrer et qu'on aurait bien pu s'aimer d'amour, d'amour.